Yon komisyon ofisyel anket militer te rive nan la badi lundi 15 daout lan apre ke yon goup moun ame maske te masakre 4 jen gason. Masak sa a te fet dimanche 14 daout kote environ 350 jen ta fe yon jounen de refleksyon nan okasyon 2e aniverser mouvman. 4 jen ki mouri yo se Doniak Seifs, Berson Etienne, Armand Louimont ak Annex Alexandre. Komisyon anket militer a bay lòd pou kraze yon sant formasyon mouvman Jen Labadi te genye nan zon nan. Dapre sa moun nan zon nan fè konnen, komisyon anket lan ta deklare ke MJL mouvman Jen Labadi ta yon organizasyon komunist. Se pwetèt sa li ta fè kraze lokal sant formasyon mouvman. Toujou dapre sa yo rapote. Men moun nan zon nan ki te nan komisyon, anket sa a. Sete La Fortune Saint-Elius, komandan Kazen Trivela Tibonit nan, ak 3 lot soldat, chef seksyon an, Esperan Chal, magistrat Trivela Tibonit lan, Paul André Chrysostom, ak yon juj de pe. Komisyon anket lan te otorize fami viktim yo, anterre kadav yo, an atandan yo mene anket pou jwenn moun ki lote masak se la. Komisyon an te kite la badi, a populasyon an te fin refize yon reynyon ki yo te li te propose la. Ki lès ki lote krim sa? Ki lès ki bay lòd fè masak si la? On te fè an jounen de refleksyon. An fòm nan gran mouvman MJL. Men lè nou fini fè jounen an nan l'ekòl nasyonal la. Lè nou fini tout moun antran an dan, a di nou fini resevwa tout moun an dan net epi tan an dan. Bon. Pou li a nou fini determine net. Depi a depi ve 3e kou ya nou pa un match football pou al commencer bon tan wanda gon club nèg ki débarqué mais ki sorti pas sou monde mais nèg sa ou se chef section même ki ta ver chef section caché nan rak pa nan monde nan il faut 3 nèg sa vini ni comment le chef section Espérant Charles Le monsieur vini kou anex a commencé débarquer, commencé la kizam, fè zam chante men, te gran pile moun dan kay la, il commencé tirer en l'air, il fè moun yo sorti. Et paraît kou yal te gen Doni ak Seis ki te nan portail football la. Comment le tinè gare nokò? Do pou lang, te nèg sa te nan portail football la, apen nèg sa paraît yo blaye yo atè. Trois nèg sa yo, youn en militaire, te en civil. Là il vient qu'il annexe ça il commence à faire bas chanter il fait bas chanter il vient il tire il vient contrer Besson Saint-Gilles là il fait ça il paraît il dit qui sont les déroches là il dit qui sont les déroches là il dit en déroche pas rien puis là il y a l'autre mec qui dit ben tout tire puis il a tout tiré monsieur mais est-ce qu'on peut expliquer nous qui j'en ai été habillé qui militaire qui j'en étais l'autre nèg yo bon L'autre là, la habillé en vert olive, il a un petit crépi en tête li, en chemise bout de manche. Manche longue même cassé, il fait une bout de manche. Mais l'autre des nèg yo, il gagne un cave pantalon fashion sous lui. Et puis il gagne un cave la ron maillot sous lui. Bon l'autre yo en civil yo. Est-ce que nèg yo te gagne bay nan jeu qui pour faire mon bay connaître yo? Bon, nèg ça yo te gon masse. Mon yet passé dans figure même bon ou même qui sont senti après événement ça qui passé hier après-midi moi pour ça me penser moi tout bas ça c'est à cause des chefs section même qui fait ça en forme ils disent son guerre son rival il vient tirer bon les fini ou il a venu tirer il connaît que les ama vaudrey sous cheval lui dit descend cheval là courir Il tire sur la barre, ou la gueule sur la tête, il finit tiré à mon vaudeuil, bord de la gueule à la tête. Chef section, nous connaissons des problèmes avec M. Deja. Bon, nous avons toujours des problèmes avec M. Parce que M. a un mouvement, il va voler lui-même. M. pas un mouvement, M. a toujours dit mouvement, c'est communiste lié. Mouvement, ça ne peut pas bien dans la zone. C'est ça que fait Nexa, il vient faire, il chanter, faire la pile de bout. D'après témoignage de l'autre monde dans la zone, depuis 10h du matin dimanche, la machine préfet Bagidi Grand-Pierre. T'as déjà al déposer la caille chef section Espérant Charles trois hommes armés et c'est à trois hommes ça yo accompagné ak chef section qui t'a loté zak sa. Toujours d'après témoin, monsieur yo paraît sous tête monde nan derrière deux centres formation. Yo tiré quelques balles en l'air pour faire moun ki an dan kayo sorti. Après ça, monsieur yo sorti dans la rien en face l'école nationale là côté qui t'a joué un match football. Yo tiré deux jeunes qui t'a assuré sécurité dans barrière match là. Yo fait descendre Armand Lumon qui était sur un cheval, yo tiré ni cheval là ni Armand. Après ça, yo descendre pi ba l'école là. Yo rencontré ak Berson qui t'a chapé pour lui, yo ouvert zam sou li après yo te fin poser en pile question. En plus moun ki mouri yo gen deux blessés. Youn la dan yo rele Fedem. Gen tout deux bœuf qui perdit la vie yo. Yo même nan comité directeur mouvement lancé yon appel bon côté toute organisation qui a défendre droit moun yo. Moi fè lancé appel pour organisation droit de l'homme yo faire une diligence pour nous pour sauver vie reste mouvement qui en danger. Et je vais lancer un appel pour mon mouvement qui sont terrain qui senti vie pas trop menacé. Pour respecter engagement et te prendre avant entrer dans mouvement, pour rester solidaire, pour respecter serment et te faire la entrer dans mouvement et pour participer selon j'ai au capable dans funérailles monde qui mourir. N'a pas si aller pour avant pour nous finir que l'enterrement monde qui mourir était fait hier après-midi dans l'Abadi 3e section communale Rivière Tibonite. C'était un reportage Radio Haïti Inter. Bon, vous c'est une membre association Jeune Labadi et nous vous rapportez nous que tu as gagné un monde qui t'a mouru au cours d'un rassemblement que tu as organisé hier dans Labadi. Est-ce que ou même qui t'es présent, est-ce que capable expliquer nous dans quelles circonstances bagage ça a été fait, comment ça t'est passé? Bon. C'est une journée de réflexion, un mouvement dans le bloc Labadio qui est organisé hier, qui était 14 août. Là. Mais journée de réflexion, ça, il était organisé depuis 14 juillet. Mais à cause de mettre la faute dans Joseph, qui est avocat mouvement, qui était tombé dans la date 1 juillet, nous pas de café, nous pas de café une journée de réflexion, nous avons renvoyé journée ça date pour 14 août. 88 là. Bon, pendant une journée à dérouler, c'est une journée de réflexion, nous avons parlé de coopérative à Gaïzao. Et puis, nous avons terminé pendant que nous avons mangé pour nous. Nous avons mangé, nous avons mangé dans la base mouvement même, en tant qu'aïe mouvement. Nous avons mangé, nous avons cola dans la. Et puis, c'est comme ça, l'armée débarqué, l'armée ouvre feu sur les gens qui sont avec manger dans la. Ou on sait de monde qui tombé avec assiette dans main. Mais alors pas de gagner aucune confrontation préalablement avec des militaires comme quoi en discussion ou bien compte du tout pas parce que c'est femme d'où bon c'est de monde qui commence à aller. Ouais. Bon c'est de monde qui commence à aller, c'est reste monde qui peut manger qui rester qu'à manger. Et puis pour ça pendant mon a manger comme ça en dedans la mère ouvre les âmes. Sous foule moun yo. Moun tombe, bête mouri. Jusqu'à maintenant, côté n'a pas l'air, nous pas confirmer combien moun vraiment qui mouri. Parce que nous pouvons nommer exact de moun qui mouri. Pas dire aucune confrontation avec l'armée, parce que c'est des innocents à deux bras comme ça, l'armée ouvre les armes. Bon, ou dites que vous pas qu'à faire une idée de nombre de victimes qui gagnent exactement, mais est-ce que vous capable de dire nous approximativement combien de monde comme ça, côté ouais ou même, mais puis côté là, qui est tombé avant ou chapé pour nous? Bon, et nous capable de dire, nous capable confirmer seulement d'après le monde qui peut quitter la localité à demi-heure en après événement, et il y a 4 monde qui mourent. Ou kam di non yo? Mi 4 moun ki mouri. M'ap se m'ka cite non yo pou. M'kwè se Tony Axeus, Besson Etienne, gen Amand Lumon, avec Alex Alexandre. Moun sa yo, nou konnen ki tombe réellement. Mais nou pou konnen ou konnen kom Labadi a li tre poche avec fleuve la Tibonite la. Et nous par contre quelques monde qui jette corps dans l'eau pour traverser, on prend qui très émotionné, nous pas connait comment ça passer si pas gagne monde perdu dans de l'eau, on prend parce qu'il tire tout en bas maï, monde qui entre en bas nous pas connait exactement combien monde qui mort, mais c'est quatre monde ça on connait exactement pour le moment présent qui mort. Moi-même, nous avons dit que le dialogue, c'est la seule méthode pour nous sortir de la crise. Donc, simplement son rappel de fait, mais qui ne va changer rien à l'essentiel. Deuxièmement, on dit que l'opposition rejetée, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Il y a quelques mondes qui parlaient, qui d'ailleurs pas dit ça et proposé. Il y a une réaction un petit peu rapide, qui dit non, nous ne pas le dialogue parce que nous ne pas faire l'amphi confiance, nous ne pas faire l'armée confiance, nous ne pas le dialogue parce que les vignes trop bonheur, parce que les vignes trop tard. Mais nous n'avons personne qui discutait le fait que le dialogue là sont méthode de solution des problèmes que liés. Personne. Donc l'autre dit que vous êtes là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des gens qui baillent des raisons pour ne pas entrer là-dedans. Et qui des raisons qui, à mon avis, pas entamé principe là, simplement modalité, moment, conditions psychologiques, etc. Mais sur le fait fondamental qu'au bon situation politique de Dia qui bloquait, et que si vous voulez débloquer, ça avec un monde pour parler, et que monde ça c'est l'armée d'Haïti, eh bien, sous fait ça, Mbokowé, aucune proposition alternative qui fait. Troisièmement, nous ne croyons pas que monde en Haïti qui pas parler. C'est pas un monde qui parle seulement, non, il y a raison. Il n'y a pas de monde qui pas parler parce que il y a que son situation délicate et que il y a tant pour prendre position au fur et à mesure. Général Lanfi dit c'est dans condition chauffeur pour nous monter à bord. De répondre à ça déjà, je me dis que tout autant non pas contre condition, il n'y a pas qu'à monter. C'est l'offre qui connaît sa condition pour qu'on ne soit pas accepté ou bien soit refusé. Or, jusqu'à présent, nous n'avons pas de condition. Troisièmement, nous avons constaté également que, à peine monsieur fin fait discours, condition chauffeur, trois jours après la loca, il dit je réitère mon appel au dialogue. Noir sur blanc. Donc, nous comprenons très bien que on a accroché avec affaire Tréhan, d'abord son image malheureuse et qui très attiré le commentaire. Mais moi-même qui crois dans la nécessité de dialogue là, je me retenu que d'un côté, c'est qu'on demande, de l'autre, on a fait de Tréhan, troisièmement, on a l'autre problème de dialogue. Donc je considère que dialogue là sur la table toujours. Et à mon avis, il faut nous bien comprendre que leur parler de dialogue comme solution aux problèmes politiques, ce n'est pas un rien qu'à faire à 24 heures. Le suspens. Possibilité de chita ensemble avec le gouvernement. Ah oui, absolument. Absolument. Je crois que c'est une bagaille que nous travaillons pour lui nous-mêmes. C'est que son nécessité. Et ça permet de rentrer immédiatement sous croisade de constitution composée, à, qui est à mon avis en question test. Elles sont question de test, parce que lui-même, lui présentait un cas chaud de nécessité de parler pour résoudre un problème. Oui, mais et c'est lui qui n'est pas le premier communiqué après que Général Lanfi, le 15 juin, a annoncé que les constitutions mourir et enterrées. Et le premier communiqué, c'est une mémoire fidèle. C'est lui qui n'est pas le côté de cette nouveau départ. Qui a expliqué contre la constitution ça, dans la mesure que lui, il devait une campagne que de côté de non, on n'a pas une contradiction. Non. D'abord, nouveau départ là. Nouveau départ, il n'a accepté le fait que il y a une constitution. Non, je ne vais pas accepter rien du tout. Je constate que le général Nanfi dit que la Constitution est mourie. Bon. Moi-même, en tant qu'homme politique, réaction moi, c'est la Constitution, ça, nous t'es voté, tout le monde t'es voté, parce que il t'es porté espoir peuple haïtien pour changement. Le 29 novembre, espoir ça a pris un gros coup. Depuis 29 novembre, constitution passée d'une violation à une autre violation. Matin, midi, soir, ils violé 24 heures sur 24. Ils violé le 17 janvier. Ils violé le 7 février, ils mettent Maniga. Ils violé le 20 juin, ils retiré Maniga. Bon, non seulement ça, bon voilà que constitution, il pas existant encore. Ou dit vol tourner. Nous très bien. Alors dans ce cas-là, il faut faire la chambre tourner, il faut faire le Sénat tourner, il faut faire Maniga tourner, et il faut remonter à 29 novembre pour nous aller. Donc moi-même parti en tant qu'homme politique, de constatation que la Constitution, l'unité votée là, c'était dans la perspective que le camp démocratique là, tu as pour aller capable d'appliquer. Vous songez, dès qu'on porte, vous n'avez pas la Constitution, mais sous tête, moi, je dis, mais guide là. Et qui pam en tant que démocrate, parce que je te connais, que moi-même, je vais essayer de vivre avec. Mais à partir du moment que la Constitution met le même monde contre lequel vous avez fait là, et vous dites-moi que, bon, il a touché. Je dis non. Font partie de ça qui est important dans la Constitution, ça, qu'il y a, pour soit pousser le monter. Position par nous aujourd'hui, c'est que défendons les acquis de la Constitution 1987. On ne voit qui ça nous cache débrouiller comme nous pour nous quimber là-dedans. Mais dis-moi qu'on veut se tourner à 100%, à mon avis, son baril qui d'adolescent symbolique. Mais en termes réels, c'est pourquoi ça solution. Solution pour nous, on partit de Constitution 87 là. On prend comme base. On ne voit qui ça là-dedans que nous pas parer pour aliéner, nous pas parer pour perdre. Bon, c'est position nous, c'est que en nous, ça n'a pas sauvé là-dedans. Okay. Donc, non, c'est normal. C'est normal. Ça nous-mêmes, nous. Qui position claire sous quoi la Constitution, pour ou contre? Ah, mais tout bail qui symbolique qu'a défendu la Constitution, m'a prouvé. Mais encore une fois, mais parce que c'est travail de groupes différents, et Liliane. Vous ne pouvez pas comprendre, non. C'est une embarras extraordinaire dans la situation à l'éveil 8 là. Et là, m'obliger à faire une petite digression, excusez-moi. Dans toute société, il y a plusieurs groupes. Moi-même, si j'ai dans le pays tant que la France, tu es bonheur de dire les Jean-Jacques Servan-Schreiber. Loin de mener une enquête sur le massacre perpétré le dimanche 14 août à l'Abadie, les autorités militaires continuent de tracasser les membres du mouvement des jeunes de l'Abadie. C'est ce qui ressort des déclarations faites à la presse le vendredi 26 août par les parents de Berson Étienne, Donny Axeus, Alès Alexandre et Armand Luimont. Selon les familles des victimes du massacre, tout rassemblement est frappé d'interdiction par Nate Sefisna, chef de section adjoint à l'Abadie. Comité directeur mouvement qui jette corps en bois, ensemble avec 20 autres membres qui sont plus menacés que chef section a fait pression derrière eux, et principalement adjoint section qui est en bois. Mais reste mouvement arrêté à fonctionner sur le terrain, bien qu'ils en cachette, mais là quand même. Mais comment situation présentée aujourd'hui dans l'Abadie? Bon, actuellement dans l'Abadie, c'est fouille adjoint section a fait. La caille mouvement yo, sous prétexte yo te gen quelques matériels yo te gen ta série le hôtel crasé local centre là et kounya c'est fouille qu'a fait et c'est pression adjoint section a fait la cité non est bien fort et non est gen amène pour arrêter et pression ça yo fait dernier moun jete kon en bois kounya le moment jeune là yo pas aime blé ça yo pas aime blé jeune là parce que chef section avec chef n'a pas blé ça parce que pour qui yo n'a pas bien clair. Si bien bien clair, il va pas faire ça ou là avec nous. Parce que si tu vous connais ça, vous avez fait ou pas faire ça. Ça y a bat depuis au craser non. Yo craser la coupe physique. Demain si Dieu veut pour nous paix, ça veut pour nous gagner. Allez même pour prendre pays à la main. Est-ce qu'on y a après massacre ça nous capable faire réunion faire rassemblement dans zone m'pas dit nous capable faire réunion parce que pour qui yo même y a tout you fait violence là sous nous il y a tout fait violence sous nous parce que pour qui yo connaît que c'est un chef pays si yo fait réunion si on pas la donne yo dit réunion nous pas bien Gabon ouais allez même si l'autre petit t'es capable de ta campagne ça m'a combien sont obligé le paix parce que depuis balle commence à tuer monde ouais tu petit d'air même je t'avais les campagne ensemble avec vous ouais je t'avais fait force mais celui comme yo paix et nous même qui disposition nous pas bon nous même n'a lutté pour qui pour un front uni n'a lutté pour nous essayer d'arriver faire une chaîne solidarité et que vous voulez le nom nous il déjà MGL là son leader lié l'a fait chemin quand même et n'a pas assez force et à quel moment l'en arrivé en masse force n'a pas tourné sous terrain. Bon, est-ce que gain dans famille moun qui était victime yo qui allait la justice contre moun yo té wè qui t'a fait massacre. Bon, famille victime yo ensemble avec mouvement nous campé n'a fait quelques démarches légales bien que nous connaît pour le moment qu'on y a ça pas abouti avec rien. Mais nous faisons, nous tenter faire quand même, les combats est sérieux, n'a essayé traîner assassin sur devant la justice. Dans leur déclaration, les parents des victimes du massacre du 14 août affirment avoir identifié des militaires parmi les auteurs de la tuerie. Dans une conférence de presse donnée à Port-au-Prince le vendredi 19 août, le comité directeur du mouvement des jeunes de la Badie avait déclaré que des dizaines de membres du mouvement étaient disposés à apporter leur témoignage sur ce massacre devant des tribunaux compétents. Donny Axeus, Bergson Etienne, Alès Alexandre et Armand Luimont avaient été abattus à la suite d'un rassemblement commémorant le deuxième anniversaire du mouvement. Les parents des victimes mettent en cause le maire de la Petite Rivière de Artibonite, M. André-Paul Chrysostome, dans la destruction du centre de formation du mouvement. M. Chrysostome avait démenti la semaine dernière les témoignages mentionnant la destruction du local du centre de formation de l'Abadie sur l'ordre des autorités. Le mouvement des jeunes de l'Abadie avait mis en cause également le chef de section de la Petite Rivière de Artibonite, Espérance Charles, ainsi que le préfet Bagidi Grandpierre dans le massacre de 4 jeunes à l'Abadie le dimanche 14 août. Alors que Yaptan y a enquête menée sous massacre 4 jeunes à l'Abadie dimanche 14 août, autorités militaires continuent à faire coucou rouge des membres du mouvement Jeune l'Abadie. C'est sans parents moun qui victime yo déclaré par la presse vendredi 26 août. D'après Fami Sayo, il n'est pas possible kounye a pour réunion à rassemblement fait dans l'Abadie. Anates Sefisna, qui adjoint chef section dans zone nan, absimé la pérège jeudi an sous membre mouvement. Comité directeur mouvement qui j'étais corps en bois ensemble avec et 20 autres membres qui plus menacés que chef section a fait pression derrière eux et principalement adjoint section qui en bois mais reste mouvement resté à fonctionner sur terrain bien que en cachette mais là quand même. Mais comment situation présentée aujourd'hui dans l'Abadie? Bon, actuellement dans l'Abadie c'est fouille adjoint section a fait la caïman mouvement yo, sous prétexte yo te gen quelque matériel yo te gen ta série le hôtel crasé local centre là et kounya c'est fouille qu'a fait et c'est pression adjoint section a fait la cité non est bien fort et non nèg li gen pour l'arrêter et pression ça yo fait dernier moun je te connais en bois kounya le moment jeune là yo pas jamais ça yo pas jamais jeune là parce que chef section avec chef n'a pas parlé ça parce que bouki yo ouais n'a pas bien clair si pas bien clair yo pas faire ça là avec nous parce que si tu connais ça tu as le faire pas faire ça doit y battre depuis au craser non yo craser la coupe physique demain si Dieu pour nous paix ça le pour nous gagner allez même pour yo prendre pays là maintenant. Est-ce que on y a après massacre ça nous capable faire réunion faire rassemblement dans zone? M'pas dit nous capable faire réunion parce que pour qui yo même y a tout yo fait violence là sous nous. Il y a tout fait violence sous nous parce que pour qui yo connaît que c'est un chef pays. Si yo fait réunion si on pas la donne yo dit réunion nous pas bien Gabon. Ouais. Allez même si l'autre petit t'es capable de ta campagne ça m'a combien sont obligé le paix parce que pour qui depuis balle commence tuer monde. Ouais. Petit d'air même. Yo t'avais les campagne ensemble avec vous ouais, yo t'avais fait force mais celui comme yo paix et nous même qui disposition nous pas bon nous même n'a lutté pour qui pour un front uni. N'a pleuté pour nous essayer d'arriver pour une chaîne de solidarité. Et que vous voulez le nom, nous disons déjà, MGL là, c'est un leader lié, l'a fait chemin quand même. Et n'a pas ramassé force, et à quel moment. L'en arrivé à ramasser force, n'a pas retourné sous terrain. Bon, est-ce que gen na famille moun qui était victime yo qui allait la justice contre moun yo te wè qui t'a fait massacre? Bon, famille victime yo ensemble avec mouvement nous campé n'a fait quelques démarches légales bien que nous connaît pour le moment qu'on n'a pas abouti avec rien, mais nous fait nous tenté faire quand même les gombay sérieux n'a essayé traîner assassin sur devant la justice. Dans déclaration yo bye la presse parents victime yo fait connait yo reconnaître quelques militaires parmi moun qui fait massacre yo. Dans une conférence pour la presse, il était vendredi 19 d'août, le comité directeur mouvement t'a déclaré que y a une preuve et y a reconnaître qui est qui fait massacre dimanche 14 d'août. Le comité directeur t'a dit qu'il est disposé pour apporter témoignage devant le tribunal sérieux sous sa passé. Dans massacre dimanche 14 d'août, Donny Axeus, Berson Etienne, Alès Alexandre et Armand Lumont t'a joindre l'homme après un rassemblement qui t'a fait dans l'occasion de l'année depuis le mouvement existait. Par un victime yo longe droite sous magistrat Rivière la Tibonite lan monsieur André Paul Chrysostome sous question centre formation mouvement yo crasé. Monsieur Chrysostome te démenti semaine passée témoignage qui dit c'est sous l'ordre autorité yo centre formation mouvement jeune Labadien te crasé. Mouvement jeune Labadien te longe droite tout sous chef section Rivière la Tibonite lan Espérant Charles ak préfet Bagidi Grandpierre qui ta gen à revoir ak lan mort 4 membres mouvement jeune Labadien dimanche 14 d'août. Des dizaines de membres du mouvement des jeunes de Labadie détiendraient des preuves et pourraient identifier les auteurs du massacre du dimanche 14 août. Ces membres se déclarent disposés à témoigner devant des tribunaux compétents sur le massacre perpétré dans la localité le dimanche 14 août. Le comité directeur du mouvement des jeunes de Labadie a exprimé sa position dans une conférence de presse prononcée à Port-au-Prince le vendredi 19 août. Conférence de presse organisée deux concerts avec la Ligue des anciens prisonniers politiques haïtiens, l'Alliance nationale des organisations populaires, la Confédération Unité démocratique et la Coordination des organisations populaires de Haute-Tibonite. Pour ces associations, la tuerie du 14 août à Labadie doit être placée dans le contexte d'une offensive tous azimuts lancée contre les organisations populaires à travers le pays. Il s'agit, disent ces associations, d'un plan d'extermination élaboré par les potentats haïtiens avec le gouvernement américain. Le mouvement des jeunes de Labadie déclare avoir identifié 7 militaires en vert olive, 3 civils armés ainsi que le chef de section de la localité comme responsable de la mort de Armand Lumont, Alès Alexandre, Berson Etienne et de Donny Axeus. Deux autres membres du mouvement ont été blessés lors de cette attaque, tandis que 5 autres sont portés disparus. Débarquer en tactique de combat par monde pour venir attaquer des gens qui ont mangé. Et moi, je veux préciser pour l'opinion nationale et internationale. Non prêts pour nous témoigner, pour nous déposer devant n'importe quel tribunal qui est sérieux. Pour nous dire que nous ne reconnaissons pas. Il y a 7 personnes en militaire, 3 personnes en civil, puis 7 sections. Et dans les personnes, nous identifions 3 personnes. Napoléon, Akebo, qui sont soldats, dans la caserne de Rivière même, avec chef section Espérance Charles. L'expérience de l'histoire montre comment les paysans, et tout l'autre monde qui a organisé dans la paysannerie, sont toujours représentés pour un bête noir pour l'État Makoutlan. Ak impérialisme. C'est peut-être ça qu'on a entendu pour attiboiser l'organisation paysanne en vent et au gain pour marcher dans l'organisation qui a ferraillé la ville et toute autre organisation populaire dans le pays d'Haïti. Nous ne sommes pas capables de compter combien de fois paysans qui ont organisé, combien de fois 100 paysans qui ont organisé, couler en bas balle malfecté la même à Coutelan. Déjà, 23 juillet 1987, 400 paysans dans Jean Rabel, sous la bannière groupement Tête Ensemble, qui t'a demandé t'es pour travailler, qui t'a revendiqué de l'eau aux paysans, t'es perdu la vie. propagande anticommuniste te permettre que yo arrivé faire paysan bataille avec paysan et permettre que yo craser mouvement groupement tête ensemble. La scie qui commençait à tomber dans le peuple, pas de permettre plan machiavélique, étiquette anticommuniste, marcher dans Milo. La mairie d'Haïti est obligée de retirer masse en la figure pour le massacrer paysans dans Milo qui a réclamé terre pour travailler. Ils prennent un prétexte sous affaire sans arrêt pour blâmer un climat latéral à craser les eaux dans mi-temps paysans dans Dichiti. Ils poussent deux paysans dans Tchot sous propre terre et ont empêché les gens même tourner dans la zone. Paysan la Casal qui pas accepté à participer à l'élection mascarade bouillie vidée 17 janvier 1988 là te recevoir pression dans la mer d'Haïti avec Chabrak dans zone là dans Gangouave yo poussé d'eau Père René Poirier qui t'a employé la parole la Bible pour c'est un sérum qui était capable permettre que paysan aide et organiser diverses fois yo persécuté jeunes dans combi comme il faut jusqu'à ce que yo simen au climat latéral emprisonné deux jeunes dans Gangouave, Narilien Omil avec Franz Pascal, qui a participé à l'OVE patriotique pour protester contre Poussédo et Poussédo, Père René Poirier. Comme nous disons, nous ne sommes pas capables du tout d'inventorier combien de fois ils ont cherché à craser paysans qui ont organisé. Rappelons que Armand Luimont, Alès Alexandre, Bergson Etienne et Donny Axeus ont été abattus au moment où allait se dérouler un match de football dans la localité en commémoration du deuxième anniversaire du mouvement. Ce match devait suivre la réunion qui a eu lieu dans la journée du 14 août en la circonstance. Suite à ce massacre, les membres du mouvement des jeunes de l'Abadie suggèrent l'unité, la vigilance et la consolidation des organisations populaires en vue de contrecarrer les tentatives de division. Il importe, disent-ils, que les organismes de droits humains nationaux et internationaux ainsi que les autorités morales du pays élèvent leur voix contre les actes criminels perpétrés à travers le pays. Au cours de cette conférence de presse, les membres du mouvement des jeunes de l'Abadie ont fait un historique du mouvement depuis sa formation le 31 mai 1986. Aidez moun yo faire coopérative, chercher de l'eau, faire route, mettre l'école, apprendre à défendre droit et intérêt, créer distraction pour jeunes et grand monde, tant que théâtre, football et la trier. Mais dans qui ambiance MJL contre à gros force souterrain, ODVA représentant l'État, Gandon et Latrier. Nous joignons MJL à côté paysan APAM, qui c'est Association Paysan Agricole Miro, dans le ministère de l'Agriculture, pour réclamer terre paysan ODVA volé. Problème pompe pour vous terre qui pas qu'à monter, côté ingénieur affaires paysan gaspiller énergie. Dans fouiller canal, boucher canal à droite à gauche pour grand messie. Petit paysan dans la 4e section dans Ti Rivière la Tibonite a pas fermé tel état dans mes grandon Saint-Marc pour paquet l'argent. MGL campé à Kyo dans fait des marches pour yo enfermer tel direct dans mes l'état. Paysan position ça mettez MGL dans un gros lit à grandon et Makout dans Saint-Marc. Mais histoire représailles MGL dans la 3e section rurale Trivelle à Tibonite, à Psibi. Après l'arrestation Wilger d'Or, 8 novembre 86, nous joignons. 24 mai 87, dans l'église Labadia, sous invitation sacristain Labadia, vers un fils aimé, espion préfet Baguidi Grand-Pierre, préfet ça a débarqué dans Labadia. Après Baguidi fin déclaré à revolver l'emmène sous chez l'église catholique Labadia, MJLC communiste, lui monté dans l'école nationale Labadia, à côté fait qu'on est, il n'y a pas jamais boire de l'eau froide tellement qu'il a crasé au monde. Nous pas oublier 19 soldats bien armés qui accompagnaient Baguidi. 5 juin 87, après une pétition population Labadia, 800 moun signés, Serge Desroches et Nixon Sainte atterri dans la prison alors qu'ils étaient venus chercher réponse pétition qui demandait pour être Espérant Charles comme chef section. Capitaine Saint-Macla, Enstravix, tout profiter, fait détenir qu'on est. L'armée au pouvoir, il n'y a pas de constitution. Octobre 87, Madame Wisteline Rosier ferme l'école Labadia pour satisfaire le préfet Baguidi qui a un problème avec MJL qui déclare que c'est un mouvement communiste. 14 juillet 87, dans un marche population Labadia avec MJL qui organisé contre injustice, taxes, fermage, chèque, Saint-Anne Chérubin, membre MJL, atterri dans la prison après le fin de prendre un coup de manchette dans la tête. Li. À côté de Zach Gros-Ponet, ça y a fait l'autre qualité tentative tant pour manœuvre animateur ODVA sous membre dirigeant MJL. 13 mai 88, déclaration avocat ODVA sous Peggy Met, membre dirigeant MJL, Namiro. Côté le fait qu'on est, je dis à ces pressions, les retournés, il y a une vie de mounade. Nous joignons tout tentative représentant conseiller de développement pour remettre le conseil communautaire sous pied. MJL posé barrière. Réunion Tirivière côté Ravix, Gambetta Hippolyte, préfet Bagidi, mandé pour chef section à 4 juin, mettre l'autre qualité organisation reste avec sous pied dans la population. 14 août 88, marqué l'autre vitesse la MEA sous organisation populaire. C'était un membre du mouvement des jeunes de l'Abadie s'exprimant au cours d'une conférence de presse prononcée le vendredi 19 août après le massacre du dimanche 14 août. On prit part à cette conférence de presse des représentants de la Ligue des anciens prisonniers politiques haïtiens, de l'Alliance nationale des organisations populaires, de la Confédération Unité démocratique et de la Coordination des organisations populaires de l'Artibonite. Mon mouvement jeune Labadie gen preuve et yo reconnaît quatre nan moun ki participé nan massacre dimanche 14 d'août côté quatre jeunes perdit la vie yo deux blessés ak cinq autres disparaît. Plusieurs membres mouvement jeune Labadie décidé porter témoignage devant tribunal sérieux sous massacre qui fait dans localité an dimanche 14 d'août. C'est ça comité directeur mouvement fait connait dans conférence pour la presse li bay nan Port-au-Prince vendredi 19 d'août. Conférence pour la presse a été organisée dans tête collée avec Ligue anciens prisonniers politiques haïtiens, Alliance nationale organisation populaire ANOP, Confédération Unité démocratique KID, à coordination organisation populaire dans Artibonite COPOL. D'après organisation SAO, massacre 14 d'août dans l'Abadie entré dans cadre yon complot, yon plan bien monté gouvernement américain à gauche à braque pays d'Haïti pour craser organisation populaire yo. C'est parole organisation qui t'a baï conférence pour la presse. Mouvement Jeune Labadie a déclaré li identifié 7 militaires vert olive, 3 civils armés ak chef section dans zone là qui t'a participé dans massacre 14 d'août côté Armand Luimont, Alès Alexandre, Berson Etienne ak Donny Axeus Jeune Lamoyo. Dans massacre ça, gen 2 moun ki blessé ak 5 autres qui disparaît. Débarqué en tactique de combat par monde pour venir attaquer des moun qui a mangé. Moi, je voulais préciser pour l'opinion nationale et internationale. Non prêt pour nous témoigner, pour nous déposer devant n'importe quel tribunal qui est sérieux. Pour nous dire que les gens nous reconnaissent. Il y a 7 personnes en militaire, 3 personnes en civil, puis 7 sections. Et dans les gens, nous identifions 3 personnes. Napoléon, Akebo, qui sont soldats. Dans la caserne de Rivière même, avec chef section Espérance Charles. Expérience l'histoire montre comment paysans et tout l'autre monde qui a organisé dans la paysannerie sont toujours représentés pour un bête noir pour l'État Makoutlan et l'impérialisme. C'est peut-être ça qu'on a entendu pour attiboiser l'organisation paysanne en vent et au gain pour marcher, prendre l'organisation qui a ferraillé la ville et toute autre organisation populaire dans le pays d'Haïti. Nous ne sommes pas capables de compter combien de fois les paysans qui ont organisé, combien de fois 100 paysans qui ont organisé, coulaient en bas balle malfecté, la même à Coutelan. Déjà, 23 juillet 1987, 400 paysans dans Jean Rabel, sous la bannière groupement Tête Ensemble, qui t'a demandé pour travail, qui t'a revendiqué de l'eau aux paysans, t'a perdu la vie. Propagande anticommuniste te permettre que yo arrive fait paysan bataille avec paysan et permettre que yo craser mouvement groupement tête ensemble. La scie qui commençait tomber dans le peuple pas te permettre plan machiavélique étiquette anticommuniste marcher dans Milo. La main d'Haïti est obligée retirer masse en figure pour massacrer paysan dans Milo qui préclamait pour travail. Yo prend prétexte sous affaire sans arrêt clan pour blayer un climat latéré à craser zo dans mitan paysan dans Dichiti. Yo pousser deux paysans dans tchot sous propre terre et empêcher moun sa yo même tourner dans zone yo. Paysan la Kazal qui pas accepté à participer à l'élection mascarade Bouyvide 17 janvier 1988 là, te recevoir pression dans la main d'Haïti avec Chabrak dans zone là. Dans Gangouave, yo pousser deux père René Poirier qui t'a employé la parole la Bible pour c'est on se rom qui était capable permettre que paysans aider et organiser. Diverses fois, yo persécuté jeunes dans combi comme il faut jusqu'à ce que yo ciment au climat latéré emprisonné des jeunes dans Gangouave, Narilien Normil avec Franz Pascal qui t'a participé à l'OVE patriotique pour protester contre pousser deux et pousser deux père René Poirier. Comme nous disons, nous ne sommes pas capables du tout d'inventorier combien de fois ils ont cherché à craser les paysans qui ont organisé. Massacre là-bas dit en fait, pendant que vous avez joué un match de football dans la localité, dans l'occasion de l'année depuis le mouvement jeune là-bas dit à Ferraille. Match ça, tu as joué après réunion qui est établie dans la journée, dans l'occasion fait mouvement jeune là-bas dit. Après massacre dimanche 14 d'août, mon mouvement jeune Labadio mandé pour organisation populaire yo mettre tête ensemble, renforcer base yo et rester veatif devant manœuvre division l'ennemi. Yo dit li nécessaire pour organisation k'ap défendre droit monde dans pays a ak l'autre bon, tant kou autorité morale pa boisite, lever voix yo kont zak malhonnête k'ap fait dans pays d'Haïti. Dans la conférence pour la presse, membre MJL mouvement jeune Labadio te fait on aller sous trai mouvement a passé depuis qu'il existait 31 mai 86. Des moun yo faire coopérative, chercher de l'eau, faire route, mettre l'école, apprendre défendre droit ak intérêt, créer distraction pour jeune ak grand moun tan kou théâtre, football et la trier. Mais nan ki ambiance MJL contre ak gros force souterrain au DVA représentant l'état Gandon et la trier. Nous joignons MJL à côté paysan APAM, qui c'est l'association paysan agricole MIO, dans le ministère de l'agriculture, pour réclamer terres paysans au DVA volé. Problème pompe pour les terres qui ne peuvent pas monter, côté ingénieur affaires paysan gaspiller énergie, dans fouiller canal, boucher canal à droite à gauche, pour grand merci. Petit paysan, dans la 4e section, dans la rivière la Tibonite, a pas fermé tel état. Nan men Grandon Saint-Marc pou paquet l'argent MGL campé ak yo nan fè démarche pou yo enfermeté direct nan men l'état paysan position ça mette MGL nan yon gros lit ak Grandon et Makout nan Saint-Marc men histoire représailles MGL nan 3e section rurale Trivel la Tibonite ap Sibi après arrestation Wilger d'Or 8 novembre 86 nous joignent 24 mai 87, dans l'église Labadia, sous invitation sacristain Labadia, veille officier, mais espion préfet Bagidi Grandpierre, préfet ça a débarqué dans Labadia. Après Bagidi fin déclaré à revolver l'emmène sous chez l'église catholique Labadia, MJL, c'est communiste, lui monté dans l'école nationale Labadia, à côté, fait qu'on est, lui pas jambes bois de l'eau fouette tellement qu'a crasé au monde. Nous pas oublier 19 soldats bien armés qui accompagnaient Bagidi. 5 juin 87, après une pétition population Labadia, 800 moun signés, Serge Desroches et Nixon Sainte atterri dans la prison alors qu'ils étaient venus chercher réponse pétition qui demandait pour être Espérant Charles comme chef section. Capitaine Saint-Macla, Ensravix, tout profiter, fait détenir qu'on est l'armée au pouvoir, li pas qu'on est constitution. Octobre 87, Madame Wistine Rosier ferme l'école Labadia pour satisfaire le préfet Bagidi qui a un problème avec MJL qui déclare que c'est un mouvement communiste. 14 juillet 87, dans un marche population Labadia avec MJL qui organisé contre injustice, taxes, fermage, chèque, Saint-Anne Chéribin, membre MJL, atterri dans la prison après le fin de prendre un coup de manchette dans la tête. À côté de Zach Gros-Ponet Sayo, ils ont fait l'autre qualité tentative tant pour manœuvre animateur ODVA sous membre dirigeant MJL. 13 mai 88, déclaration avocat ODVA sous Peggy Met, membre dirigeant MJL, Namiro. Côté le fait qu'on est, je dis à ces pressions, les retournés, il y a une vie de mounade. Nous joignons tout tentative représentant conseiller développement pour remettre conseil communautaire sous pied, MJL poser barrière. Réunion Tirivière côté Ravix, Gambetta Hippolyte, préfet Bagidi, mandé pour chef section yo, ak adjoint yo, mettez l'autre qualité organisation reste avec sous pied dans la population. 14 d'août 88, marqué yon l'autre vitesse la mea sous organisation populaire. C'était quelques membres mouvement Jeune Labadi qui tabaille position mouvement sous massacre dimanche 14 d'août dans une conférence pour la presse. Mouvement bay nan Port-au-Prince vendredi 19 d'août. L'autre organisation qui participait dans la conférence pour la presse, c'est Ligue Anciens Prisonniers Politiques Haïtiens, Alliance Nationale Organisation Populaire ANOP, Confédération Unité Démocratique KID, à coordination Organisation Populaire dans la Tibonite, COPOL.